الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on commence donc aujourd'hui le cours numéro 4 dans l'explication du livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari, حفظه الله تعالى, qui s'intitule تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. C'est-à-dire des réflexions au sujet de la question du Hajr à la lumière du Coran et de la Sunna et de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette Umma. Donc on est arrivé maintenant à la troisième partie du livre dans laquelle le Cheikh Abdullah al-Bukhari explique maintenant les objectifs légaux de la charia pour l'application du hajr légitime dans la charia contre les personnes qui contredisent la religion d'Allah, soit par des innovations ou soit par des péchés. Et le cheikh, il va mentionner certains de ces objectifs-là. Le premier, c'est l'objectif d'établir l'adoration d'Allah. Et le deuxième, l'objectif d'appliquer, de concrétiser le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, qu'on appelle en arabe al-wala ou al-bara. Il y a des points autres également qui seront clarifiés là-dessus. Donc le cheikh, il dit ici, وَيَنْبَغِي, hein, premièrement le titre, ثَالِثًا بَيَانُ جُمْلَةٍ مِنَ الْمَقَاسِدِ الشَّرَعِيَةِ لِإِقَاعِ الْهَجْرِ الشَّرَعِي عَلَى الْمُخَالِفِ. يَنْبَغِي أن تنتبه إلى هذا الأمر العظيم، فكثير ممن يتكلم في الباب يغفل ذكر المقاصد الشرعية في هذا الباب، أعني الهجر الشرعية المختص بالمخالف. إذا تقرر أيها الأحبة ما سبق، فإنا نقول إن الهجر الشرعي عبادة من العبادات، والعبادات يجب أن تكون على وفق الشرع المطهر، والعبادات كلها لها مقاصد شرعية، أوليس ذلك كذلك؟ فما من عبادة إلا ولها مقاصد شرعية، منها الظاهر ومنها غير الظاهر. فمثلا الزكاة منها تزكية المال، ومنها تطهير المرء، ومنها مواساة المؤمنين من الفقراء ومن هم من أهلها إلى غير ذلك. وكذلك الصلاة فيها مقاصد شرعية، وكذلك الحج له مقاصد شرعية، وهكذا. إذن ما من عبادة إلا ولها مقاصد شرعية جاءت بها النصوص. وفي تحقيق المقاصد الشرعية حفاظ على الشريعة أيها الأحبة، وصيانة الشريعة من الدخيل وتنقيتها مما تعلق بها، كل ذلك فرض لازم على كل واحد من المؤمنين، كل بحسبه. ومن مهمات ذلك الوقوف بحزم أمام البدعة والمبتدعة بعلم وعدل، والمعصية والمجاهرين بها، واستخدام الطرق الشرعية في صد عدوانهم ورد كيدهم، وإظهار معلم الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، لأن مضار هؤلاء لا تقف عند المبتدع أو العاصي نفسه المجاهر بالمعصية، بل تتعدى، فخطر ذلك عليه وعلى أتباعه، بل على الأمة التي هو فيها، بل على الدين نفسه. فوجب والحالة هذه صيانة الشريعة والحفاظ على حياضها. Donc le cheikh, il explique que troisièmement, le troisième point dans le livre, l'explication et la clarification de certains des objectifs de la charia dans le fait d'appliquer le hajr légitime et légalisé par l'islam sur la personne qui contredit la religion. Et le cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah, il explique maintenant, il dit qu'il faut, hein, faire attention à cette question qui est extrêmement importante, parce que beaucoup de gens qui parlent à ce sujet-là, parfois ils peuvent négliger ou ne pas yani, donner d'importance à, ou bien yani, être insouciant par rapport à certains aspects des objectifs de la charia dans ce domaine ou dans cette question, c'est-à-dire le hajr qui a été légiféré par l'islam et en ce qui concerne de façon spécifique et plus particulière en ce qui concerne la personne qui contredit hein, la religion d'Allah. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ne vont pas tenir compte de tous les aspects et de tous les objectifs qui sont recherchés par la charia dans le fait d'appliquer ce jugement-là. Peut-être que, par exemple, dans certains cas, vous allez voir que certaines personnes qui parlent du Hajr, ils vont uniquement se concentrer sur la question de l'objectif qui concerne la personne qui contredit elle-même, en voulant dire que ils prennent en considération uniquement les effets de ce hajr sur l'individu qui contredit la religion et ils disent si le hajr en question aura l'effet voulu sur la personne qui contredit la religion, alors dans ce cas-là, c'est un des objectifs recherchés par la charia. Mais des fois, ils vont dire, par exemple, si par contre le hajr en question n'aura pas l'effet voulu, dans le sens que la personne qui contredit la religion, lorsqu'on va appliquer le hajr et qu'on va le boycotter, ça ne va pas le ramener à la religion ou ça ne va pas l'aider à revenir à la religion, alors dans ce cas-là, ce n'est pas nécessaire de faire le hajr. Et lorsqu'ils disent ce genre de choses, c'est uniquement parce qu'ils regardent certains des objectifs du Hajr, mais ils oublient de regarder d'autres objectifs du Hajr qui sont également recherchés et qui sont yani, extrêmement importants aussi. Sauf qu'ils les négligent ou bien ils ne donnent pas assez d'importance à ces objectifs-là. Et on va voir les exemples que le cheikh il va mentionner. Donc il dit ensuite. Donc, le cheikh Abdullah al-Bukhari, il dit donc, si on a compris maintenant ce point-là, il dit donc, selon qu'est-ce qu'on a expliqué également précédemment, dans les cours précédents, on comprend donc que le hajr, qui est fait selon la charia et selon les principes de la charia, ça fait partie des adorations dans l'islam. Donc, quand tu vas boycotter quelqu'un, c'est une adoration que tu fais. C'est-à-dire que ça fait partie des règles et des principes qui ont été légiférés par Allah et par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, toi, quand tu vas l'appliquer et quand tu vas le faire, eh bien, tu le fais pour Allah. Hein, et c'est parmi les choses que Allah a aimées. Donc, c'est une adoration. D'accord? C'est une adoration. De la même manière que dans la salat, c'est une adoration. De la même manière que le wudu, c'est une adoration. De la même manière que la zakat, c'est une adoration. De la même manière que le mariage, c'est une adoration, de la même manière que le djihad, c'est une adoration, de la même manière que le porter le hijab pour la femme, c'est une adoration, toutes ces choses-là sont des adorations dans l'islam, et lorsque quelque chose est une adoration, eh bien ça implique qu'elle doit être mise en pratique et appliquée selon les conditions et les règles de la charia. Si on ne l'applique pas de la manière que Allah l'a légiféré hein, et qu'on ajoute ou qu'on enlève dedans, eh bien, ça peut devenir une innovation dans ce cas-là. Ça peut tomber dans l'innovation. Et donc, le cheikh, il explique ici ce point-là, qui est un point extrêmement important. Il dit donc, toutes les adorations qu'on fait ont des objectifs. C'est-à-dire que Allah a légiféré les adorations qu'il a légiférées pour réaliser ou concrétiser certains objectifs qui font partie de la charia. N'est-ce pas? Et il dit donc, le cheikh, que il y a aucune adoration dans l'islam, excepté que dans l'adoration en question, il y a des objectifs recherchés dedans, qui sont en accord avec la charia et qui font partie de la charia. Parmi ces objectifs, il y en a des objectifs qui sont apparents, et il y a d'autres objectifs qui ne sont pas apparents, qui ne sont pas apparents, c'est-à-dire des objectifs qui peuvent être intérieurs ou caché. Hein? Et donc, il donne des exemples par rapport à la zakat. Il dit, par exemple, la zakat, c'est une adoration qu'on fait par rapport, qui est reliée à l'argent, qui est reliée au bien. Hein? Et c'est, parmi les objectifs de la zakat, il y a le fait de purifier notre argent. Hein? De purifier notre argent. Il y a aussi comme objectif dans la zakat de purifier la personne elle-même et son cœur. Et la purifier de l'avarice, de la purifier de la jalousie, de la purifier de la cupidité, de la purifier de toutes sortes de ce genre de ces genres de maladies. Il y a également parmi les objectifs de la charia d'avoir de l'attention ou de se sentir concerné, hein, et d'être affecté, d'avoir de la compassion pour les croyants parmi les pauvres et ce qu'ils peuvent subir, hein, et ce qu'ils peuvent subir comme difficulté et comme une situation difficile dans leur vie. Donc le fait de leur donner de la zakat, hein, lorsqu'ils font partie des gens qui méritent de la zakat, eh bien ça fait partie de ces objectifs-là, que on va avoir de la compassion et on ressent de la solidarité et de l'aide, de l'entraide entre les croyants, entre ceux qui sont riches parmi les croyants vis-à-vis de ceux d'entre les croyants qui sont pauvres. De même que pour la salat, il y a des objectifs aussi qui sont des objectifs établis par la charia. Et de même que pour le hajj, il y a aussi des objectifs établis dans la charia et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas d'adoration qui existe dans l'islam, excepté que derrière ces adorations-là, il y a des objectifs qui ont été établis et recherchés et pour lesquels Allah les a légiférés, ces adorations-là. Et les objectifs en question, parfois, sont mentionnés dans les textes de la révélation, ou parfois, les ulama déduisent ces objectifs-là de ce qu'ils ont compris, justement, du Coran et de la Sunna, et ainsi de suite. Et donc, dans le fait de vouloir réaliser et concrétiser ces objectifs de la charia, hein, il y a une protection et une protection ou le fait de préserver la charia et de protéger et de défendre, hein, la charia de tout ce qui pourrait être introduit dans l'islam, hein, de ce qui n'en fait pas partie. Et donc de purifier tout ce qui a été ajouté à l'islam ou de corriger tout ce qui a été déformé de la réalité de l'islam. Donc, il dit que ça, c'est une obligation pour les musulmans. Hein? Tous les musulmans, chaque musulman a un devoir vis-à-vis de cette chose-là selon sa capacité. Chacun selon ce qu'il est capable de faire. Il dit le cheikh ensuite que il dit ومن مهمات ذلك الوقوف بحزم امام البدعه والمبتدعه. Donc parmi les choses importantes qui sont reliées à ces objectifs là, il y a le fait de se tenir de façon ferme et déterminée devant la bid'a et devant les innovateurs, les gens qui font les bid'a, avec science et avec justice. De même que de se tenir, hein, en face, hein, ou de faire face aux gens qui désobéissent et qui font des péchés publiquement ou ouvertement, et d'employer les moyens légaux en islam pour bloquer et stopper les transgressions de ces innovateurs et de ces gens qui désobéissent et de ces pécheurs, et ainsi que de repousser, hein, ou de renvoyer sur eux leurs ruses, et en même temps de laisser paraître les principes de l'alliance et du désaveu, c'est-à-dire d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Il dit parce que le méfait de ce que font ces gens-là ne s'arrête pas à eux seulement. C'est-à-dire, le mal qui vient de l'innovateur ou du pécheur qui expose publiquement ses péchés et qui fait ses péchés en public devant tout le monde, ça ne s'arrête pas uniquement à son mal à lui. Et ça, c'est quelque chose aussi, les gens ne réalisent pas. Pourquoi? Souvent, vous allez entendre des gens qui disent, hein, surtout chez les koufars, on est libre, on a la liberté individuelle. Hein, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ils vont dire, par exemple, ben, si par exemple, quelqu'un fait un péché, hein, ça, tant que ça ne dérange pas hein, aux autres, donc c'est, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais on voit que dans la réalité, dans qu'est-ce qui est concret, on réalise que même eux, dans beaucoup de choses, de ce que eux ont rendu licite, de ce qui est interdit dans la religion d'Allah, on voit qu'ils vont mettre beaucoup de restrictions justement pour limiter la liberté hein, des individus sur ces péchés-là et sur ces choses-là. Parce qu'ils réalisent par la suite les effets néfastes ou les inconvénients qui découlent du fait de faire ces choses-là. Donc, par exemple, hein, ils vont dire, par exemple, si quelqu'un boit de l'alcool, hein, il peut en acheter de telle heure à telle heure. Par exemple, ici, hein, au Québec, quelqu'un, il ne peut pas acheter, par exemple, de l'alcool après 11 heures dans un magasin. Ce n'est pas permis après 11 heures. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas permis après 11 heures? Hein? Puisque de toute façon, c'est illicite pour eux. Si tu l'as acheté avant 11 heures, tu peux le boire chez toi, tu peux l'avoir chez toi. Mais si tu n'as pas acheté avant 11 heures, tu ne pourras pas l'acheter parce qu'à partir de cette heure-là, c'est illégal de vendre. De même que même si tu achètes l'alcool dans un magasin avant 11 heures dans la journée, eh ben, tu ne pourras pas le boire dans la rue comme ça sur le trottoir. Ou bien dans les transports en commun, hein, en public. Tu ne pourras pas boire ton alcool devant tout le monde comme ça dans la rue. Il faut que ce soit dans des endroits spécifiques, soit chez toi, ou bien dans un bar, ou dans des endroits comme ça. Tu ne peux pas le faire comme ça sur la rue, sur le trottoir, boire ça. Sinon, la police va venir, ils vont t'arrêter, hein, ou ils vont t'empêcher de le faire. Donc, tu ne peux pas non plus... En tout cas, il y a plein de restrictions de ce genre qui font que la liberté n'est pas absolue. La même chose aussi pour la cigarette. Bon, pour l'alcool aussi, il y a les limites d'âge. Hein, je n'avais pas mentionné ça, mais il y a les limites de l'âge. Avant un certain âge, quelqu'un ne peut pas boire de l'alcool. Par exemple, avant 18 ans ou 21 ans, ça dépend des pays. Et donc, pourquoi il y a ces limites d'âge? Parce qu'ils constatent et ils réalisent que avant cet âge-là, ça peut avoir des effets néfastes. Alors qu'en réalité, si on regarde bien comme il faut, les adultes, hein, ceux qui ont le droit de boire de l'alcool, sont souvent les références pour les plus jeunes. Les jeunes, ils se basent souvent sur les adultes pour juger, pour déterminer qu'est-ce qui est bien et mal. Et s'ils voient que les personnes qui sont adultes, c'est eux qui désobéissent, et c'est eux qui font les péchés, hein, et bien ils vont se dire, ah ben moi aussi j'ai hâte d'être hein, un adulte, moi aussi pour pouvoir faire ces péchés-là. Hein. La même chose pour certains autres péchés, comme la cigarette, comme d'autres endroits, par exemple les endroits de perversité ou des choses comme ça, les boîtes de nuit et des choses comme ça, ils vont dire, à partir d'un certain âge, tu ne peux pas rentrer parce qu'il y a de l'alcool, parce qu'il y a des femmes qui se déshabillent ou des choses comme ça, donc ce n'est pas permis. Donc, tout ça, c'est pour dire que même s'ils ne vont pas, interdire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a interdites, mais ils sont obligés de mettre des restrictions à ces choses-là. Pourquoi? Parce que même s'ils refusent d'accepter que Allah les a interdites, ces choses-là, et que c'est haram, mais ils ne sont pas capables de nier que ces choses-là sont néfastes et qu'elles ont des effets dangereux pour la société. D'accord? Donc ça, c'est des exemples. Et en même temps aussi, bon, ils vont dire, par exemple, quelqu'un, oui, il a le droit de faire le zina. Il a le droit de faire il a le droit de faire le zina, de faire la fornication. Ça, c'est illégal. C'est légal pour eux. Sauf que si quelqu'un, il veut le faire ça, par exemple, au coin de la rue, hein, devant tout le monde, ils vont pas le laisser faire, hein, parce qu'ils vont dire non, ça se fait pas. Donc tout ça pour dire que hein, ils réalisent que ces choses-là, il doit y avoir des limites. Et ça devient plus clair encore, surtout dans la période actuelle, avec la pandémie, hein, quand ils ont commencé à limiter les libertés des individus à cause du virus, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se sont opposés à ça. Ils ont dit non, pourquoi on doit mettre un masque? Pourquoi on ne peut pas sortir? Pourquoi on ne peut pas aller là? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Et c'est là qu'on voit que les arguments qu'ils ramènent, hein, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'ils doivent se limiter et se restreindre et respecter les restrictions, eh bien, c'est les mêmes arguments rationnels que certains, parfois, parmi les musulmans vont mentionner, hein. Comme par exemple, la même chose, pourquoi par exemple quelqu'un va dire, ben moi j'arrête pas à la lumière rouge, d'accord? Je ne veux pas arrêter à la lumière rouge parce que je suis libre. Si le feu est rouge, moi je ne m'arrête pas, je continue sur la rouge parce que c'est ma liberté. Je ne veux pas qu'on limite ma liberté. Eh bien, les gens vont dire non, ça c'est ta liberté, mais tu réalises que si tu passes sur la rouge, tu risques de faire soit tuer quelqu'un ou soit te tuer toi-même, hein? Et ça amène du mal et du désordre, donc il faut s'arrêter. La même chose que si tu sors dans un endroit public et que tu sais pas si tu es malade ou d'autres personnes sont malades, tu te protèges toi-même, tu protèges les autres en portant un masque, en respectant la distance entre les individus. Donc tout ça, c'est hein, des arguments rationnels et qui montrent que l'être humain, il doit hein, respecter parfois certaines choses pour hein, faire en sorte que ils vivent une vie qui l'éloigne de toute cause de qu'est-ce qui pourrait lui amener du mal ou amener du mal aux autres. Eh bien, c'est triste que lorsque c'est des questions qui touchent la maladie et les maladies physiques hein, qui peuvent affecter le corps et la vie des gens et la santé des gens, ça, ils le comprennent, mais lorsqu'il s'agit des questions qui touchent à la vie des cœurs et à la moralité et à la spiritualité, ils ne sont pas capables de le comprendre. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus dangereux que les maladies physiques. D'accord? Donc tout ça, c'est juste une parenthèse que je voulais faire par rapport à ce sujet-là parce que je considère que c'est important. Mais aussi pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est musulman ou qui est dans une société musulmane ou même dans une société non musulmane qui fait des péchés ouvertement et qui fait des bid'a ouvertement, des fois ça c'est des manières pour les gens de bid'a et pour les pécheurs de revendiquer certaines formes d'égarement et d'inciter d'autres musulmans ou d'autres personnes à les suivre, musulmans ou non, à les suivre dans ces péchés-là. Comme par exemple, il y a certaines femmes, par exemple, qui vont ne pas porter le hijab et qui sont musulmanes, mais qui le font, par exemple, avec un petit peu d'innocence ou, disons, un peu de négligence. C'est pas pour provoquer, c'est pas pour défier hein, les croyants, c'est pas pour opposer la religion, c'est juste par ignorance ou par insouciance, hein, parce qu'elle réalise pas l'importance ou parce qu'elle comprend pas l'importance ou parce que elle ne connaît pas du tout la réalité de ce sujet-là ou de son importance dans la religion d'Allah. Donc, elle le fait de cette façon-là. Mais il y en a d'autres qui le font hein, avec une intention vraiment mesquine, maléfique, une intention vraiment de provocatrice qui veut vraiment contredire dans le but de choquer ou de déranger ou de hein, d'inciter d'autres à faire comme elle, hein, ou pour soi-disant au nom de la liberté, comme certaines le disent. Et cette catégorie-là, c'est donc une da'wa qu'elles essaient de faire. C'est une da'wa qu'elles essaient de faire vers le péché et la perversité. Et il y a des innovateurs aussi, c'est la même chose. Ils font des innovations, pas seulement parce qu'ils croient en cette innovation-là, puis qu'ils veulent la faire pour eux-mêmes, mais parce qu'ils espèrent, en la faisant de la façon publique, hein, devant les autres, ils espèrent influencer d'autres à les suivre dans cette innovation-là. Et donc ça veut dire que le péché et l'innovation peuvent parfois être contagieuses. Hein? Et c'est pour cette raison-là que l'innovation et les péchés sont dangereux. Hein? C'est un danger pour la Ummah. Pas seulement pour ceux qui les font eux-mêmes, parce que c'est sûr qu'il y a un danger pour eux du fait qu'ils commettent un péché et une transgression et qu'ils risquent un châtiment pour cela dans cette dunya et dans l'au-delà de la part d'Allah. Hein? Mais, yani, ça risque également d'être un danger pour ceux qui vont les suivre. Parmi les hommes, hein, ceux qui vont être influencés parmi les hommes et qui vont vouloir les suivre dans leurs égarements. Et donc, c'est pour cette raison-là que l'application du Hajr, elle a son importance et qu'il est obligatoire, donc, dans des cas comme ça, de protéger la charia et de protéger les croyants aussi pour les empêcher que cet égarement-là ou que ces péchés-là se diffuse et se propage plus dans la société. Et le cheikh, à ce moment-là, ici, il a cité une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et donc, on va la lire, cette parole de Ibn Taymiyyah. Je veux juste voir à quel endroit. Ah oui, ça commence. Cette citation commence à la page 34. Hein, puis elle termine à la page suivante, à la page 35, et c'est une citation tirée de Majmou' al-Fatawa, le volume 28, de la page 232 à la page 234. Donc on va lire cette citation. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit, Rahimahullah, قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقين وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم من آيتين من القرآن فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويلبسونها تخالف الكتاب j'ai rajouté السنة يعني instinctivement comme ça يعني يبتدعون نعم فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق ولكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ويغلط في الرأي والفتية ومن يغلط في الزهد والعبادة وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه فهو مأمور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله نعم فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله فلا يحل للرجل أن يقف ما أن يقف ما ليس له به علم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا بذلك وجه الله تعالى وأن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله فمن تكلم في ذلك بغير علم أو بما يعلم خلافه كان آثما ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل انتهى كلامه رحمه الله. Donc ça c'est la citation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ici on va traduire qu'est-ce qu'il a dit. Il dit que les ennemis de la religion sont de deux catégories. Les kuffars et les munafiqin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de combattre et de faire le jihad contre ces deux groupes. Il a dit dans plusieurs versets, hein, dans deux versets dans le Coran, comme le verset 73 dans Surat At-Tawbah, Jahid al-kuffara wal munafiqin waghluz alayhim. C'est-à-dire lutte contre les kuffars et les munafiqin et sois rude envers eux. D'accord? Et donc ça c'est pour dire que les munafiqoun sont parmi les... Donc, ça veut dire que les innovateurs, hein, ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il parle des innovateurs en les mettant dans la catégorie des munafiqoun. Hein. Pourquoi? Parce que les innovateurs, parfois, c'est justement des munafiqoun qui se camouflent hein, derrière l'islam pour justement inventer et innover des religions, des choses dans la religion pour essayer de corrompre la religion de l'intérieur. D'accord? Donc, il rentre d'une certaine façon dans la catégorie des munafiqin, malgré que ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement des munafiqin, ou que ça ne veut pas dire nécessairement que leur nifaq est un nifaq majeur, hein, ou qui fait sortir de la religion. Ça peut parfois aussi être un nifaq qui est mineur. D'accord? Mais ils sont classés parmi les catégorie des munafiqin. Donc c'est pour ça ici il dit les ennemis de la religion sont de deux catégories. Les kuffars, c'est-à-dire ceux qui sont des mécréants apparents, et les munafiqin, qui comprennent les mubtadi'a. Le cheikh il dit donc, les innovateurs, il dit, si c'est des gens qui sont munafiqoun et qui font des innovations dans la religion qui contredisent le livre et ils essaient de confondre les gens et de les mélanger par rapport à leur religion, dans ces choses-là, dans les innovations qu'ils ramènent, alors il faut clarifier. Hein, il faut clarifier ça aux gens. Parce que si on ne clarifie pas ces innovations-là pour les gens, la religion deviendra... Hein, le livre va être corrompu et la religion va être falsifiée et déformée. Un peu comme la religion des gens du livre a été corrompu à cause justement des modifications et des falsifications qui ont été faites dans la religion et qui n'a pas été condamnée par les gens hein, de la religion. C'est comme dernièrement, je lisais un texte qui avait été écrit par rapport aux questions que Napoléon avait posées aux Juifs en France à l'époque, hein, quand il a voulu naturaliser les Juifs, et il leur a posé la question au sujet de la polygamie, hein, et subhanallah, il mentionnait que les Juifs, à partir d'un certain moment, les rabbins s'étaient mis d'accord, parce qu'il n'y a rien qui interdit la polygamie dans la Torah, hein, et dans le livre des Juifs, il n'y a rien qui interdit la polygamie, et même que plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament sont mentionnés comme étant polygames. Hein. Parmi eux, par exemple, Jacob, parmi eux également Ibrahim, alayhi salam, et parmi eux également Daoud et Suleyman, et beaucoup d'autres également, hein, Jacob et d'autres. Et donc, tout ça pour dire que, yani, à un certain moment donné, ils ont décidé d'interdire ça. Hein, ils ont décidé de l'interdire comme ça. Un décret des rabbins qui dit que maintenant, ça y est, toute personne qui va pratiquer la polygamie, ben, il ne sera plus considéré comme un juif. Donc, c'est des exemples comment ils corrompent la religion. Ils déforment la religion. Ils rendent interdit ce qui est licite et ils rendent licite ce qui est interdit. Ça, c'est dans la religion des gens du livre, on l'a vu. Chez les chrétiens, il y a plein d'exemples comme ça. Et chez les juifs également. Et c'est ce que certains innovateurs essaient de faire, par exemple, dans la religion de l'islam. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit ici, quand il y a des corruptions, des innovations ou des choses comme ça, il faut que ce soit clarifié pour les gens. Il dit, وَإِذَا كَانَ أَقْوَامٌ لَيْسُ مُنَافِقِينَ. Donc, si c'est des gens qui ne sont pas des hypocrites en eux-mêmes, mais qui écoutent et qui sont attentifs aux hypocrites et qui suivent leurs propos et qui vont les entendre et vont être influencés par eux, eh bien, ça se peut que ça les confonde justement dans leur religion et qu'ils vont penser que les propos des munafiqines sont véridiques. Alors que c'est des propos qui sont en contradiction avec le livre d'Allah. Et donc, ils vont commencer à appeler à la bid'a des hypocrites sans s'en apercevoir. Et il cite à ce moment-là ici le verset 47 dans sourate At-Tawbah. Naam, dans le verset 47, naam, sourate At-Tawbah, on va le lire ensemble. Donc il dit à ce sujet-là, en parlant des hypocrites, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لو أرادوا الخروج non لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. Donc il est, la signification du verset, c'est ce qui signifie, yani Allah dit ce qui signifie, et s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble, hein, en parlant des hypocrites, et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Hein? Et il y a parmi vous, hein, il y en a parmi vous qui les écoutent, c'est-à-dire qui écoutent ces hypocrites-là et qui sont influencés par ces hypocrites-là. Et Allah connaît bien les injustes. C'est-à-dire que les hypocrites qui sont mélangés parmi les musulmans, eux, hein, ils cherchent à faire de la discorde et à faire des troubles. Et parmi les musulmans qui sont des vrais croyants, il y en a qui peuvent parfois les écouter, ces hypocrites-là, et penser que ce sont des gens sincères ou que ce qu'ils disent est correct à cause de leur ignorance, et être influencés par ce qu'ils disent et commencent se mettre à les suivre, hein, sans le savoir. C'est ça le danger aussi dans ces hypocrites-là, et c'est pour ça que lorsqu'ils innovent des innovations dans la religion, peut-être que parmi les musulmans sincères qui ne sont pas des innovateurs, il y en aura qui vont, par exemple, être influencés par eux et vouloir les suivre, sans savoir que ce qu'ils font est en contradiction avec la religion d'Allah. Et donc, le cheikh, il dit, et donc, par conséquent, il faut absolument qu'il y ait une clarification de l'état de ces gens-là. Et il dit que la fitna, elle est, hein, toujours à cause de ces gens. Elle est très plus grande, c'est-à-dire la fitna qui est causée par ces gens-là qui écoutent les munafiqines, elle est parfois plus grande que la fitna des munafiqines eux-mêmes. Hein? C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas des munafiqines, mais qui écoutent les munafiqines et qui les suivent, ou de ceux qui ne sont pas des innovateurs, parmi les gens de la sunna, mais qui sont ignorants et qui vont écouter ces innovateurs-là et les suivre par ignorance, leur fitna est parfois plus grande que la fitna des innovateurs eux-mêmes. Il dit parce qu'ils ont en eux-mêmes de la foi qui fait en sorte qu'il est obligatoire pour nous de les prendre comme alliés et de les aimer pour Allah. Et ils rentrent dans certaines innovations, parmi les innovations des hypocrites qui veulent corrompre la religion. Et il n'y a pas de doute que dans ce cas-là, il faut mettre en garde contre ces innovations-là, même si cela implique qu'on doit mentionner ces personnes et les désigner hein, en tant qu'individus pour mettre en garde contre eux. Il dit, même si, il dit, « وَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَدْ تَلَقَّوْ تِلْكَ الْبِدْعَ عَنْ مُنَافِقٍ » Il dit, même si il ne l'aurait pas pris, cette innovation-là, d'un hypocrite, mais qu'il l'aurait dit, cette bid'a, en pensant que c'était une guidance ou qu'il y avait du bien dedans ou que ça fait partie de la religion, hein, et que ce n'est pas le cas, il est malgré tout obligatoire de clarifier l'état de cette bid'a-là. وَلِهَذَا وَجَبَ بَيَانُ حَالِ مَنْ يَغْلَطِ Il dit, c'est de la même manière qu'il est obligatoire aussi de clarifier l'état de celui qui se trompe dans le hadith et dans la transmission des narrations. Et de même qu'il est obligatoire aussi de clarifier l'erreur de celui qui se trompe dans la fatwa ou bien dans ses opinions, dans la religion. Ou qui se trompe dans les questions qui ont rapport avec yani, le fait de s'écarter de la dunya et de délaisser la dunya. Ou les excès dans la dunya, et dans l'adoration, ceux qui se trompent dans l'adoration aussi, parmi les adorateurs. C'est obligatoire de clarifier ceux qui se trompent à ce sujet-là. Et il dit, même si la personne qui s'est trompée dans ces questions-là fait partie des mujtahidin, c'est-à-dire des savants qui ont atteint le degré dans le savoir qui leur permet de comprendre les textes et d'extraire de ces textes-là les verdicts et les jugements dans des situations où il n'y a pas de texte explicite, hein. Ils sont excusés et ils sont pardonnés pour leur erreur, et même qu'ils sont récompensés par Allah pour leur ijtihad, mais malgré ça, il est obligatoire, selon yani, le Coran et la Sunna, de clarifier la parole et l'action qu'ils ont fait hein, et qui est erronée. Donc c'est ça. Donc c'est ça. De clarifier la parole et l'action qui est établie sur le Coran et sur la Sunna est obligatoire. Et s'il y a une contradiction, il y en est dans la parole ou dans l'action en question de ce qu'il a fait, eh bien c'est obligatoire de le clarifier aussi. Et il dit فَلَا بُدَّ لِلْرَجُلْ أَنْ يَقْفُ فَلَا يَحِلُّ لِلْرَجُلِ أَنْ يَقْفُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٍ Donc, ce n'est pas permis pour quelqu'un de dire ou de faire ce dont il n'a pas de connaissance. S'il ne sait pas quelque chose, il ne doit pas le dire ou il ne doit pas le faire. Et il n'est pas non plus permis à quelqu'un de parler dans ce domaine-là, excepté s'il le fait en ayant l'intention de le faire sincèrement pour Allah et uniquement pour son visage. Et de faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute. Et que la religion tout entière soit uniquement pour Allah. Et toute l'adoration soit uniquement pour lui. Donc celui qui va parler dans la religion, ou pour corriger des erreurs de ce genre, qui va le faire sans science, ou bien qui va le faire yani, alors qu'il dit le contraire de ce qu'il sait, hein, le contraire de ce qu'il sait, alors dans ce cas-là, c'est clair qu'il sera dans le péché. Il dit, puis ensuite, la personne qui va parler avec science dans ces sujets-là, il faut qu'il soit sincère, qu'il ait une bonne intention. S'il parle avec une mauvaise intention, parce que, par exemple, il veut s'élever sur la terre, hein, il veut s'élever sur la terre, ou bien il veut le pouvoir, ou bien il veut le désordre en parlant, alors dans ce cas-là, c'est clair qu'il est comparable à celui qui combat pour la fierté, ou qui combat yani, par ostentation, pour montrer son courage. Et s'il parle réellement pour Allah avec sincérité, par contre, s'il parle de la religion, il réfute la fausseté, il réfute les innovations, il corrige les erreurs dans la religion, et qu'il le fait uniquement pour Allah et sincèrement pour la religion, pour purifier la religion d'Allah, alors dans ce cas-là, il sera parmi les gens qui ont fait le djihad dans le sentier d'Allah. Et il fera partie des héritiers, des prophètes et des successeurs, des messagers. Donc ça, c'est la fin de la citation ici de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ensuite, il y a la parole de l'imam al-Shawkani qui l'a cité. Il dit « وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ وَقَدْ بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ هَلْ بَلَّغْتُ فَيَشْهَدُونَ لَهُ بِالْبَيَانِ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا عَنْ فجزاه الله عن أمته خيرا ثم إن الله سبحانه وعد بالعصمة من الناس دفعا لما يظن أنه حامل على كتم البيان وهو خوف لحوق الضرر من الناس وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد الله ما نزل إليهم على وجه التمام وهكذا من سبقت له العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله من الناس وإن قام ببيان حجج الله وإيضاح براهينه ورسخ بين ظهراني من ضاد الله وعانده ولم يمتثل لشرعه كطوائف المبتدعة وقد رأينا من هذا في أنفسنا وسمعنا منه في غيرنا ما يزيد المؤمن إيمانا وصلابة في دين الله وشدة شكيمة في القيام بحجة الله وكل ما يظنه متزلزل الأقدام ومضطرب القلوب من نزول الضرر بهم وحصول المحن عليهم فهو خيالات مختلة وتوهمات باطلة فإن كل محنة في الظاهر هي محنة في الحقيقة فكل محنة في الظاهر فهي منحة في الحقيقة لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى والأخرى وإن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وعليه فإن من جملة المقاصد الشرعية في هذا الباب المقصد الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il cite cette parole de l'imam al-Shawkani rahimahullah. Et on va terminer avec ça. Il dit que l'Allama Shawkani, rahimahullah, dans son tafsir Fath al-Qadir, il dit à propos du verset dans Surat al-Ma'ida, le verset 67, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô toi, le messager, transmets ce qui a été révélé sur toi de la part de ton Seigneur, et si tu ne le fais pas, eh bien, tu n'as pas transmis tout son message. Hein? Si tu ne transmets pas tout, alors dans ce cas-là, tu n'as pas transmis son message et Allah va te protéger des gens. Et certes, Allah ne guide pas les peuples mécréants. Et le cheikh, il explique que le messager, donc l'imam Shawkani, le cheikh Shawkani, il dit ici que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a transmis le messager d'Allah a transmis à sa umma ce qui lui a été révélé. Il dit, et dans plusieurs occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa umma et à ses compagnons, ai-je transmis et yani, ils ont témoigné au messager d'Allah que le messager avait transmis. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala le récompense de la meilleure récompense pour sa umma. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a promis de protéger celui qui explique et qui transmet la religion d'Allah, Allah a promis que qu'il allait le protéger vis-à-vis des gens. Hein? Il va le protéger des gens. Et ça, c'est pour repousser la pensée ou l'idée de la personne qui aurait l'intention ou qui voudrait cacher la clarification, cacher la religion, par crainte d'un mal qui pourrait l'atteindre. Et il dit que il dit وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَيَّنَ لِعِبَادِ اللَّهِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ التَّمَامِ. Donc il dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, malgré cette crainte hein, ou cette peur qui pourrait passer dans l'esprit de celui qui veut transmettre la religion d'Allah, hein, que hein, ou bien la crainte qui pourrait venir à l'esprit de quelqu'un vis-à-vis de la transmission du message, que quelqu'un allait subir des persécutions hein, parce qu'il allait clarifier la religion d'Allah, eh bien, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala a repoussé cette crainte par ce verset en clarifiant au serviteur hein, qu'il allait protéger celui qui transmet la religion d'Allah. Comme le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a été protégé hein, par Allah contre ceux qui voulaient lui faire du tort lorsqu'il transmet la religion d'Allah. Et effectivement, par la grâce d'Allah, il a transmis la religion d'Allah et il l'a clarifié pour les serviteurs, hein, tout ce que Allah avait révélé de la façon totale et complète. Et il dit donc, c'est ainsi que les ulama de la Umma ont été protégés hein, des gens par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont établi et clarifié les preuves d'Allah et qu'ils ont clarifié les arguments d'Allah et les évidences que Allah a démontrées dans la révélation. Et ils ont donc crié parmi les opposants de ceux qui s'opposent à Allah et qui hein, s'obstinent à rejeter la religion d'Allah, ils ont crié la vérité et ils ont exprimé ouvertement la vérité et clarifié les preuves qui viennent d'Allah. Hein, et et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés dans ça. Alors que et ils ont également clarifié la vérité parmi les groupes de bid'a qui opposent et qui n'ont pas mis en pratique ce que Allah a légiféré. Donc ils ont exposé la vérité hein, parmi ces gens-là aussi et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés. Donc ça c'est important aussi. Pour les gens, par exemple, des fois j'entends des gens qui disent, par exemple, qu'ils sont dans certains pays ou ils sont dans certains endroits, qu'ils ne peuvent pas dire la vérité ou qu'ils ne peuvent pas clarifier la vérité parce que s'ils le clarifient, il va leur arriver quelque chose ou quelqu'un va leur faire du tort. Il faut aussi que ces gens-là aient un peu de confiance en Allah hein, et qu'ils cherchent la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission de la révélation et dans la clarification de la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il protège ceux qui défendent la vérité. Tandis que ceux qui jouent avec la religion et qui essaient de déformer la religion pour plaire aux hommes, eh bien ceux-là, souvent, qu'est-ce qui arrive? Ils cherchent hein, la protection des hommes au lieu de la protection d'Allah et par conséquent, hein, Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne, ces gens-là. Et souvent, le mal se retourne contre eux. Tandis que ceux qui sont fermes et qui sont sincères hein, et qui défendent la religion d'Allah, eh bien, yani Allah subhanahu wa ta'ala les supporte et les défend. Juste un exemple de ça, dernièrement, subhanallah, que j'ai entendu. Et ça, ce n'est pas la première fois que je l'entends, mais cet exemple-là, il est vraiment fort. C'est une femme qui était une femme musulmane qui était mariée avec un homme qui était à la base qui n'était pas musulman mais qui s'est converti à l'islam pour pouvoir se marier avec cette femme Et lorsque, une fois que la personne s'est mariée avec cette femme musulmane, il a délaissé la religion, ou bien il a cessé de pratiquer la religion. Parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Hein. Il a obtenu ce qu'il voulait, donc il a cessé de pratiquer l'islam. Et donc cette femme, elle a dit à cet homme, si tu cesses de pratiquer la religion, alors dans ce cas-là, je ne peux plus rester avec toi, parce que je suis musulman, toi tu veux pas être musulman. Alors lui, il a abandonné la religion de l'islam. Puis ils avaient un enfant, ils ont eu un enfant. Donc en tout cas, toute une histoire pour dire qu'à la fin, ça s'est fini devant un juge. Et quand le juge est allé, par exemple, le juge était arrivé pour juger entre les deux, le mari et la femme, l'homme et cette femme-là, pour la séparation. L'homme a dit, par exemple, quelque chose dans le sens de quelque chose voulant dire, oui, mais je me suis converti à l'islam, mais c'était juste pour pouvoir me marier avec cette femme. Je ne croyais pas réellement. Alors, le juge a utilisé ça justement. Et ce n'est pas un juge musulman, c'est un juge kafir. Mais il a utilisé ça comme argument pour dire, si vous étiez capable de mentir, pour devenir, de dire que vous êtes devenu musulman, juste pour de mentir, juste pour pouvoir vous marier, qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas mentir pour d'autres choses? Hein? Effectivement. Donc ça, c'est juste un exemple pour clarifier que des fois, quand quelqu'un, hein, parce qu'il y a des gens parfois, lorsqu'ils ont un problème avec leur femme ou dans leur mariage, ou la femme avec son mari, ou bien le mari avec sa femme par rapport à l'islam, et qu'ils vont devant un juge qui est kafir, et il y en a parfois parmi les gens qui, comme des hypocrites, des munafiqines, ils utilisent ça, ils utilisent l'islam comme un argument pour essayer d'avoir la garde des enfants, ou bien pour critiquer le parent qui pratique l'islam. Donc ils vont dire au juge, ah, c'est un musulman, il est fanatique, il pratique la religion, il fait la prière, blablabla. Et donc, ils pensent en disant ça que le juge automatiquement va être de leur côté. Alors, certaines personnes, peut-être à ce moment-là, seraient tentées de dire non, finalement, non, je veux pas montrer que je suis musulman ou que je suis pratiquant, je vais cacher mon appartenance à l'islam ou le fait que je pratique l'islam avec sincérité et ainsi de suite, pour pouvoir tromper ou bien cacher la réalité. Alors que si tu es quelqu'un de sincère et que tu es véridique et que tu sais que ce que tu suis, c'est la vérité, et que tu n'es pas dans l'excès ou dans l'exagération ou dans l'extrémisme, mais que tu es dans l'islam et que tu es modéré, hein, parce que tu t'accroches uniquement à l'islam selon la compréhension des salafs, sans excès et sans laxisme, eh bien, à ce moment-là, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et sois ferme sur tes principes et tes positions. Et Allah va te donner le succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Inna Allah la yansuru hadha din bil rajul al fajir. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala va même des fois secourir sa religion, il va faire en sorte que sa religion soit secourue par un homme pervers, hein? Même par un kafir parfois. Et c'est arrivé même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que yani un mushrik kafir a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les kuffars et les mushrikines. On a l'exemple de Abu Talib et on a l'exemple de un autre également parmi les mushrikines lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Taif, hein, celui qui l'a suivi ou qui l'a ramené jusqu'à Mecca et qui a dit aux mushrikines qui a dit aux mushrikines, je lui donne la protection et je permets à personne de le toucher. C'était un mushrik, hein? J'ai oublié le nom de cette personne, mais juste pour dire, Yanni, que parfois, quelqu'un qui n'est pas croyant peut défendre la vérité. Ça peut arriver dans certains cas, et ça, c'est un exemple, et il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, il a même une fois mentionné l'exemple une des du'ats qui était en Afrique, justement, un prêcheur qui était en Afrique, parmi les gens qui ont étudié à Médine. Et quand il est retourné en Afrique, il a commencé à enseigner le Coran et la Sunna et le Tawhid, hein, et la Aqida et le Fiqh, selon le Coran et la Sunna et la compréhension des Salaf. Et les soufis de son village ou de sa ville ont commencé à s'opposer à lui et à vouloir lui donner des problèmes et des troubles, hein, parce qu'ils voyaient que les gens commençaient à l'écouter. Alors ils sont allés voir le maire ou le juge de cette région-là pour faire des problèmes à ce prêcheur, à ce da'ia. Et le maire ou le juge de cette région, qui était un chrétien, hein, il leur a posé la question. Il a dit: vous là, est-ce que vous êtes sorti étudier votre religion ailleurs, ou bien vous avez seulement étudié ici en Afrique? Ils ont dit: nous, on a étudié ici en Afrique seulement. Il dit: et toi, où est-ce que tu as étudié ta religion? Il a dit: j'ai étudié ma religion en Arabie Saoudite, à Médine, la ville où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, avec les ulama, hein, de l'islam. Alors, le chrétien, il a dit: ah ben, c'est comme ça. Il dit: lui, il a appris la religion directement de la source, là où l'islam a commencé. Il est allé étudier avec les savants là-bas. Et il dit: vous, par contre, vous n'avez jamais voyagé pour aller étudier l'islam. Vous avez appris ici. Il dit: moi, hein, j'étais dans des églises chrétiennes ici en Afrique. J'ai vu comment les chrétiens, hein, faisaient des choses. Quand je suis allé en Europe, j'ai vu comment les chrétiens là-bas faisaient des choses, et j'ai compris que ce que les Africains faisaient, souvent, c'est des choses qui n'ont rien à voir réellement avec le christianisme. Alors, j'imagine que vous aussi, là, hein, les soufis, là, vous êtes en train de faire la même chose avec l'islam. Donc, il a dit: je vous demande de le laisser tranquille et laissez-le faire sa prêche et enseigner, hein, la religion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il a fait en sorte que cette religion, cette da'wah soit défendue par quelqu'un qui est mécréant, un chrétien, hein, qui a tranché, qui a jugé entre ces deux groupes, les soufis qui appellent à la bid'a et à l'égarement, et ce salafi qui appelle à la sunna. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné son support par l'intermédiaire de ce chrétien qui est un kafir. Donc c'est pour ça. Et le cheikh, il a cité le hadith: inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Ça peut arriver des choses comme ça, que le kafir, il est une cause pour défendre, hein, la religion d'Allah parfois. Donc il faut mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, je dis ça par rapport maintenant, par rapport à ce qui se passe aussi en France, là. Il y a beaucoup de frères parfois qui m'ont contacté, qui me demandaient: oh mon frère, est-ce que au Canada, comment ça se passe au Canada? Est-ce que tu penses que je pourrais venir vivre au Canada? Eh ben, moi, je leur ai dit, à ces frères-là, je leur ai dit: écoutez, ici déjà, au Canada, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Il n'y a pas beaucoup de musulmans. La population musulmane, elle est très minoritaire par rapport à la France. Et moi, quand j'allais en France, je me rappelle, j'allais en France plusieurs fois par année. Mashallah, j'ai trouvé que là-bas en France, il y avait beaucoup de musulmans et beaucoup de gens qui sont sur la sunna et qui aiment la sunna, qui défendent la salafia, alhamdoulilah, beaucoup plus qu'ici. Beaucoup plus qu'ici. Et même, j'ai ressenti même beaucoup plus d'aide et de support de la part de mes frères qui sont justement en France que de la part des musulmans qui sont ici à Montréal, ou des salafis, parce que les salafis ici sont vraiment minimes, hein, minoritaires, on est vraiment peu. Malgré ça, alhamdoulilah, on se tient, on est proches quand même les uns des autres, mais ici, la dunya, elle nous avale, hein, elle nous occupe, elle nous distrait facilement. Donc les gens, ils n'ont pas de temps pour la science, ils n'ont pas de temps pour le ilm, ils n'ont pas de temps d'assister à des durus, excepté quelques frères qui, parfois, sont vraiment motivés. Hein? Donc ici, c'est comme ça, dans ce pays. Si tu ne te motives pas, il n'y a personne qui va te motiver. Hein? Donc il faut vraiment demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour être capable d'arriver à quelque chose. Et il faut aussi parfois avoir beaucoup d'initiatives pour faire les démarches, pour chercher la science, pour arriver à connaître, à apprendre. Si tu ne fais pas d'effort, tu vas rien avoir. Hein? Tu vas rester comme ça toute ta vie. Combien de gens, par exemple, qui se sont convertis à l'islam depuis 20, 30 ans. Hein? Moi, ça fait à peu près 30 ans maintenant que je suis converti à l'islam. Alhamdulillah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me garde sur l'islam et qu'il me fasse mourir musulman. Mais pour dire que il y a des gens qui sont convertis à l'islam bien avant moi. Hein? Et pourtant, ils n'ont pas, par exemple, fait beaucoup d'efforts ou plus d'efforts pour essayer d'apprendre l'arabe, d'apprendre le Coran, d'apprendre la sunna, faire des efforts. Je ne dis pas ça pour les blâmer ou les critiquer. Peut-être qu'ils ont eu des raisons ou des excuses pourquoi ils n'ont pas été capables de le faire. Mais dans la vie, il faut apprendre cette chose-là. C'est que si on ne prend pas les opportunités puis qu'on ne fait pas les causes et les démarches nécessaires pour arriver à ce qu'on veut, et parfois, des fois, avec un peu de courage. Hein? Si on n'essaie pas de faire des efforts pour apprendre, pour faire des efforts pour chercher la science, on va jamais profiter. Et quand je dis qu'il faut mettre la confiance en Allah, dans le sens que parfois, il ne faut pas essayer de calculer trop les choses, tous les détails de chaque petit point. Il faut partir un peu à l'aventure dans ces questions-là. Dans le sens que tu essaies de t'organiser, de planifier les choses, mais il faut que tu saches que des imprévus, il y en aura, qu'il y aura des difficultés, il y aura des obstacles. Même lorsque tout est calculé, il y aura toujours des choses qui ne vont pas aller comme toi tu l'as voulu. Donc, il faut pas se baser uniquement sur les expériences des autres, parce que chaque personne a des expériences différentes dans la vie, et d'une personne à l'autre, ça peut être tout à fait différent. Hein? Tu peux aller à un endroit et tu vas voir que du bien. Tandis qu'un autre va aller à un autre endroit, au même endroit, et il va avoir que des mauvaises expériences. Et quand les deux personnes reviennent, hein, ils vont dire, ben moi je suis allé là-bas, c'était terrible. Et l'autre, il va dire, ah non, moi je suis allé là-bas, c'était merveilleux. Et pourtant, ils sont allés à la même place. Hein? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné des choses différentes pour chaque personne. Mais il ne faut pas se baser sur seulement les expériences des uns et les expériences des autres. Il faut essayer de mettre ta confiance en Allah et chercher le bien. Si tu cherches le bien et tu demandes l'aide d'Allah, tu vas le trouver. Mais il faut faire des efforts. Et pour revenir donc au sujet, on va terminer le cours avec ça. Donc le cheikh il dit, on a vu en nous-mêmes, cheikh l'imam al-Shawkani, il dit, on a vu en nous-mêmes et on a entendu de ces exemples de ce qui est arrivé à d'autres que nous, des choses qui augmentent la foi d'un croyant et la fermeté dans la religion d'Allah et la détermination dans le fait d'établir les preuves d'Allah. Hein? C'est-à-dire que lorsque tu es sincère envers Allah et que tu défends la religion et la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala va te défendre. Allah subhanahu wa ta'ala va te défendre. Et quand tu es convaincu de ça, eh bien, tu vas voir des choses étonnantes dans ta religion et dans ta foi. Et il dit, le cheikh, on a vu ces exemples-là. Et on a entendu de d'autres personnes des choses dans cette catégorie de choses qui sont arrivées à des gens qui ont, quand ils ont défendu la vérité, comment Allah les a protégés et défendus dans ces questions-là, hein, ça a augmenté leur foi. Il dit donc, tout ce que les gens peuvent avoir comme idée ou comme pensée parmi les gens qui ont les pieds qui tremblent, c'est-à-dire ils ne sont pas fermes, ils ont les cœurs bouleversés, hein, par certaines situations parce qu'ils ont peur que du tort leur arrive parce qu'ils ont défendu la vérité ou qu'ils ont peur des épreuves. Hein. Il dit, tout ça, c'est des illusions. Hein, c'est des illusions et des fausses suppositions. Il dit pourquoi? Parce que toute épreuve qui t'atteint en apparence, c'est en réalité un gain pour toi et quelque chose de bien pour toi. D'accord? C'est quelque chose qui va te faire t'approfondir dans ta religion, t'approfondir dans ta foi. quand tu vas vivre ces épreuves-là, c'est là que tu vas voir les signes d'Allah se manifester et les versets d'Allah qui se réalisent et qui se concrétisent réellement dans ta vie et tu les vis. C'est pas seulement tu les lis, hein? C'est pas seulement tu les récites dans le Coran, tu les vis dans ta vie réellement, concrètement, tu vois ce que Allah, ce dont Allah parle, tu le vis concrètement dans ton existence et tu vois l'épreuve d'Allah se réaliser, se manifester dans ta vie réellement. Donc ça, c'est quelque chose qui augmente encore plus ta conviction et ta foi. Et quand j'entends maintenant des koufars qui disent, par exemple, on n'a pas de problème avec aucune autre religion sauf l'islam. Hein? Et il n'y a personne qui cause de problème sur terre sauf les musulmans. Par rapport à quoi? Par rapport à l'attachement que les musulmans ont à leur religion. Moi, je vois en ça un signe. Je vois en ça un signe que c'est la preuve que c'est la vraie religion, que c'est la vraie religion d'Allah. Du fait que c'est cette religion-là qui reste ferme. C'est cette religion-là qui ne baisse pas la tête. C'est cette religion-là qui reste ferme et qui établie solidement sur ses principes, ou du moins le groupe victorieux parmi cette umma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, qu'il y aura toujours ce groupe victorieux qui restera sur la vérité, et ceux qui s'opposent ou qui les abandonnent ne leur feront aucun tort jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. Il y aura toujours ce groupe-là. C'est ceux que les koufars aujourd'hui essaient de désigner comme étant ceux qui sont soi-disant islamistes, sans jamais définir clairement qu'est-ce qui font que ce sont des islamistes ou qu'est-ce qui les distingue de ceux qu'eux ils considèrent comme étant les musulmans ordinaires. Parce que c'est pas suffisant juste de dire eux c'est des islamistes et eux c'est des musulmans ordinaires. Parce que les islamistes, ils font ça, ou ils font ça, ou ils font ça. C'est pas suffisant. Il faut ramener les preuves en quoi ce que vous appelez islamistes, en quoi ce qu'ils font contredit le Coran et la Sunna. Et c'est ça qu'ils sont pas capables de faire. Parce que pour faire ça, il faut croire en l'islam. Il faut croire au Coran. Il faut croire en la Sunna. Et celui qui est capable de faire ça, c'est seulement un savant de la religion musulmane qui est sur le Coran et sur la Sunna et qui connaît la voie des salafs pour être capable de distinguer justement entre ce qui fait partie de l'islam, de ce que ces soi-disant islamistes font, de ce qui ne fait pas partie de l'islam et pour le clarifier et distinguer entre le vrai et le faux de ce que ces gens-là disent. Parce que parmi ceux que les gens considèrent islamistes, il y en a qui sont sur la Sunna et qui pratiquent la Sunna et le Coran, selon la compréhension des salafs, mais il y a aussi parmi ces islamistes ceux qui contredisent le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Et c'est ceux-là qui font souvent plus de problèmes et qui causent des troubles pour le reste des musulmans. Mais pour les koufars, il n'y a pas cette distinction-là. Ils mettent tout le monde dans le même paquet. Et c'est ça l'injustice qui découle de leur attitude. Et c'est ça qui est malheureux. Parce qu'on paye par la suite pour ça. Et quand on leur demande d'être juste, ils refusent d'être juste parce que pour eux, ça leur demanderait beaucoup trop de travail. Ça leur demanderait beaucoup trop de travail de faire cette distinction-là. Et ils n'ont pas non plus la sincérité de pouvoir justement rentrer dans ces détails-là. Alors, ils se limitent uniquement à distinguer ce qui leur fait plaisir à eux et ce qui est en accord avec leurs désirs et leurs passions. Et si nous, on ne rentre pas là-dedans, alors on est sorti du décor de qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Alors, ils font des lois pour essayer de mettre des barrières. Mais bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa sunna dans cette création. Il a sa voix. Et donc, c'est ainsi qu'il met les croyants à l'épreuve pour voir ceux qui sont sincères et ceux qui ne font que prétendre. Donc, on va s'arrêter ici. Pour aujourd'hui, et on continuera la suite avec le premier objectif de la charia dans le fait d'appliquer le hajr